maturité, j'en ai peut-être peu. Je m'en bats les couilles si t'aimes pas. En tout cas, moi, je nique sa mère au tempo. Sur scène, ils se dandinent, vivent pas comme des hommes. Moi, je rime sans état d'âme, j'les foirais comme Gandoum. Animal galeux du Sénégal, j'suis pas venu pour queener. 92 ans pour ruiner. La vie, c'est que des anomalies. Pour ça que j'agis anormalement. 3i, mais VRAI, j'suis un rat. La jungle, j'danse, la soupe ou c'est le rail. Son cœur avec les putes, qu'on se baisse, j'leur foufou une raille. Des nègres ont des clitos, certains c'est sûr à trop de mythos. Tous ces violents, absorbés d'eau sans pitié, comme l'amitié incontestée, rapossé butex, c'est comme ça qu'on a digesté. Les faux par défaut, putain leur mouvement est trop marrant. Qu'on représente, nous c'est les frères beurre au marron. Y'a trop de belles haines, ça met la haine, rien que ça queen. C'est naze, quand j'arrive, ça sent la Awina.